découverte de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guinezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je reçois Mélissa, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, merci, et vous? Ça va, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Oui, je vais essayer. Eh bien, je m'appelle Mélissa, je suis une trentenaire, originaire de Gérardmer, et puis maintenant j'habite sur le secteur de Thiéfosse, donc pas très loin d'ici. Je suis jeune maman d'un petit garçon de 4 ans et je me suis installée à mon compte il y a 2 ans maintenant autour de la parentalité et du bien-être. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre profession ? Oui. Alors c'est un métier assez novateur, on va dire, dans le secteur, puisque quand je me suis installée il y a 2 ans, on n'était pas très nombreux en libéral, en indépendant à faire ça. Donc en fait, l'idée, c'était de pouvoir proposer dans un endroit unique, avec une personne avec qui on va créer du lien, donc moi-même, pour faciliter des interventions avec les enfants, où je propose différents ateliers. Donc l'idée, c'est de pouvoir participer avec les parents ou les grands-parents, ou voilà, en tout cas des accompagnants, à des ateliers ludiques, pédagogiques, pour créer du lien avec les enfants, développer du lien et voilà, passer un petit moment, une heure avec son enfant, hors du quotidien, voilà. C'est un petit peu l'idée au départ de pouvoir proposer ces ateliers-là et de proposer aussi des soins et des massages, notamment aux femmes, pour apporter la partie bien-être également. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession ? Alors, je dirais le lien, la relation que je peux avoir avec les parents et les enfants qui viennent à la maison ou en extérieur, puisque maintenant, c'est vrai que je fais aussi pas mal d'interventions en structure. Et c'est vraiment ce lien qui se crée pas à pas, mois après mois, puisque régulièrement, les gens reviennent sur des séances plusieurs fois dans l'année. Et ça, je trouve ça chouette. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire cette profession, justement ? Alors, effectivement, à la base, je n'étais pas du tout dans le milieu de la parentalité, puisque je suis issue du milieu de la finance. Donc, grosse reconversion professionnelle. Je pense qu'il y a eu déjà le fait de devenir maman. C'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, puisque j'ai eu quand même la chance, enfin, pour moi, c'était une chance de rester 8 mois avec mon enfant, avant de retourner travailler, et puis lui, chez la nounou. Et on a fait pas mal de choses, mais c'est vrai que c'était des activités qui se situaient à droite à gauche, donc c'était pas toujours facile de créer du lien, de sentir à l'aise, de s'organiser. Donc là, l'idée, c'était déjà, je me suis dit voilà, peut-être que en ayant un endroit unique, ça pourrait rassurer les parents et puis leur permettre de tester des nouvelles choses. Et puis je pense aussi qu'il y a eu le Covid, la pandémie, et donc une grosse remise en question sur mon quotidien, mes valeurs, le fait de pouvoir être davantage disponible pour mon enfant, etc. C'était surtout pendant la période Covid où j'ai pu me remettre en question, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre entreprise ? Parce que comme vous le disiez, vous n'étiez pas du tout dans le secteur-là. Ça ne doit pas être facile de se lancer dans quelque chose d'inconnu. Ah, parce que j'aime bien les défis. on me qualifie souvent d'hyperactive. J'aime bien faire beaucoup de choses. En fait, je pense que déjà, j'avais la chance d'avoir fait des études dans la gestion d'entreprise, dans la finance, de pouvoir installer des personnes qui ont créé leurs propres entreprises. Donc, j'avais déjà quand même un certain recul sur ça, sur tout ce qui était gestion, etc. Donc, ça m'a donné, on va dire, quelque chose de un appui confortable pour me lancer. Et je me suis dit, ben voilà, si tu es à l'aube des 30 ans, pourquoi pas maintenant ? Si tu ne le fais pas là, eh bien, peut-être que tu ne le feras jamais. Donc, je me suis dit, allez, pose-toi les bonnes questions, échange avec les gens, essaie, et tu verras. Et c'est vrai qu'en échangeant avec mon entourage, j'ai remarqué que les gens avaient envie de ça par rapport au quotidien. Je pense que la pandémie aussi, le fait d'avoir été tout seul, confiné à la maison, etc., on avait envie d'aller voir du monde, on a envie de bouger, de pouvoir échanger aussi avec d'autres parents, etc. Et du coup, l'idée, c'était ça, voilà, pouvoir essayer de me lancer. Et puis je me suis dit, c'est au départ, c'est une parenthèse, j'essaie et puis on verra. De toute façon, quel que soit l'âge, rien n'est impossible tant qu'on a de la volonté, tant qu'on y croit. Oui, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre entreprise ? Oui, donc l'entreprise s'appelle donc les Ateliers du Bien-être, donc naître N-A-I-T-R-E. L'idée, c'était pour moi vraiment une naissance, donc ma naissance en tant qu'indépendante, la naissance du parent, la naissance de l'enfant, voilà, et la naissance du parent progressif, puisqu'on est parent d'un nouveau-né, puis d'un enfant, puis d'un ado, puis d'un adulte. Donc ça évolue aussi. Donc je suis basée à Thiéfosse, j'interviens aussi dans les structures, je fais des ateliers donc éveil musical, yoga, signé avec bébé, massage et réflexologie plantaire, portage, et puis je fais une partie soins. Donc là on est plus sur du massage massage au toucher et une partie massage sonore avec des voyages sonores. Et puis là, il y a un an environ, j'ai intégré un rituel Rebozo qui se pratique à deux praticiennes, voilà. Donc j'interviens principalement chez moi et puis sinon dans les structures crèches, médiathèques, centres de loisirs, écoles, parcs de jeux, voilà. Enfin, plein d'endroits où se trouvent les enfants. Je trouve ça bien le nom de l'entreprise, mais ça peut prêter à confusion en phonétique du fait, parce que bien-être, mais ça va ensemble parce que c'est le bien-être pour l'enfant et le bien-être pour les parents aussi. Tout à fait, c'était voulu. C'est vrai que c'était voulu. Souvent, on peut aussi se dire naître avec donc le verbe lié à la naissance. Ça s'arrête plutôt sur du jeune enfant, du nouveau-né pour les ateliers, mais pas du tout puisqu'en fait, c'est comme vous venez de le dire, c'est le bien-être de manière générale pour les enfants, pour les parents. Et les ateliers, je les propose de la naissance jusqu'à 12 ans pour les enfants. Donc, on va quand même sur une période assez large de la petite enfance. Et l'idée, c'est ça, passer des bons moments, être dans le bien-être, dans le moment présent, et d'où le jeu de mots. Par le fait, vous aidez aussi les jeunes parents à être un peu moins dépassés, parce que ceux qui viennent d'avoir leurs premiers enfants, ils se demandent qu'est-ce qu'il faut faire, ils vont près du lit, oh mon Dieu, il respire pas, qu'est-ce qui se passe, alors écoutez, j'entends pas sa respiration. Ah, c'est vrai que quand on devient parent, c'est un sacré chamboulement. On appelle d'ailleurs, il y a un phénomène qui existe qui est la matrescence. Donc c'est en gros, on passe au niveau maternité, paternité. Donc c'est aussi bien pour la maman, le papa que des parents adoptifs. Enfin voilà, c'est vraiment quand on devient parent et ça entraîne des chamboulements physiques, psychologiques, etc. Et parfois. Effectivement, quand c'est le premier, et même après, on peut avoir des petites doses de stress assez régulières, effectivement. Et l'idée, eh bien, c'est de pouvoir, quand on vient aussi à un atelier, discuter, échanger dans le respect, dans la bienveillance, déposer sur notre quotidien ce qu'on ressent, est-ce qu'on peut aussi avoir l'expérience des autres parents. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup, de pouvoir venir... accueillir en tout cas les parents, pouvoir leur faire déposer certaines choses, échanger et peut-être les rediriger vers les professionnels compétents pour les accompagner. Moi, ce que je trouve assez bizarre, c'est parce que dans les films et les livres, ils mettent la parentalité comme quelque chose d'inné, en fait. C'est quelque chose de merveilleux, les parents sont jamais stressés. Mais si on montrait vraiment la réalité, ça serait peut-être un peu mieux, en fait. Oui, c'est vrai que dans les films ou même dans les livres, on voit des accouchements parfaits... Les parents super accueillants dans les émotions des enfants, dans leurs propres émotions. C'est vrai qu'on ne nous dit pas tout. Mais effectivement, oui, on peut rencontrer certaines difficultés puisque on devient responsable de quelqu'un. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez incroyable. Je dirais même que c'est un peu indescriptible puisqu'on se rend pas compte de ce que ça peut être que d'avoir un nouveau-né puis un enfant qui va évoluer et le fait de devoir être responsable de lui, de l'accompagner. Et on peut se retrouver des fois dans des situations effectivement où on peut être dépassé, hein, rien que avec le manque de sommeil. On sent la maman qui a un peu beaucoup manqué de sommeil. C'est quoi les grasses matinées? Les grasses matinées, alors c'était il y a 4 ans. J'en ai pas trop refait depuis, je crois. Et puis le corps s'habitue aussi après au bout d'un moment, hein. Même quand on veut dormir, du coup, il est calé. Ça peut être le manque de sommeil, ça peut être le fait d'avoir des bébés avec des reflux, les décharges, les pleurs, au niveau de la nourriture, ça peut être. Il y a plein de choses, hein, les écrans à l'heure actuelle pour les plus grands, enfin Maintenant, on en parle même de plus en plus tôt. Le passage, quand on le confie à une nounou, à une assistante maternelle, le passage à l'école. Enfin, voilà, je veux dire, des sujets, des thématiques, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai qu'on peut sentir régulièrement, soit stressé, soit dépassé. Et on sait pas forcément toujours comment accueillir les choses. Donc là, voilà, on peut en discuter. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de structures dans le secteur qui mettent en place des conférences, des ateliers, des cafés parents, des choses comme ça, pour pouvoir justement discuter aussi des thématiques-là qui sont importantes. Je pense que les parents ont envie et ont besoin d'être écoutés et accompagnés dans leur parentalité. Oui. Après, être parent, c'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. C'est même l'enfant qui vous apprend des choses aussi que vous connaissez pas sur vous-même. Oh oui, on dit souvent que c'est le miroir, c'est nos miroirs. Et j'y pensais encore tout à l'heure dans la voiture. Effectivement, c'est vrai que ils sont beaucoup dans le mimétisme, nos enfants, ou dans le ressenti. Ils vont être dans l'instant présent, dans le moment présent, et nous, on a beaucoup de mal à faire ça quand on devient adulte, voilà. Et donc, c'est vrai que ça peut nous rappeler des choses sur nous, sur les transmissions qu'on a reçues, sur notre éducation, sur notre vécu. Et alors, pour certains, ça peut être aussi un travail sur soi de devenir parent. Moi, en tout cas, ça a été ça, un vrai travail sur moi où j'ai compris beaucoup de choses. J'ai modifié certaines choses dans mon fonctionnement. Et puis j'essaye d'être dans l'écoute, dans l'accueil des émotions. Alors ça veut dire aussi que je dois être dans l'écoute de mes émotions, pouvoir les nommer, les verbaliser. Tout ça, c'est un vrai travail qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on nous apprend pas forcément. Et du coup, de devoir l'appliquer au quotidien. Alors, je dis beaucoup de devoir, je m'en rends compte. Ce n'est pas un devoir, je le fais parce que j'en ai envie. Mais ça a été un gros, gros travail. Ouais. Et même dans tout, hein, c'est vrai qu'ils sont dans le mimétisme. Je le vois bien au quotidien. Quand on fait la cuisine et qu'il participe avec nous, il a envie de cuisiner du coup parce qu'on l'incite aussi. Puis il nous voit faire dans les petits travaux du quotidien. Et aussi dans les phrases qu'on peut dire, dans nos expressions. Il reprend les mêmes expressions, donc c'est vraiment du mimétisme aussi. Donc je pense qu'on est aussi un exemple pour eux, donc c'est une bonne responsabilité. Après, dans les médias, ils idéalisent tellement ça que des fois, il y a des mamans, je pense, elles se disent « mais je suis une mauvaise mère, moi ça se passe pas du tout comme ça » et c'est ça qui est dangereux finalement. C'est vrai qu'il y a une grosse pression à l'heure actuelle, puisque... Enfin, ça reste mon avis, hein. Je détiens pas la vérité, hein, mais je pense que dans l'heure actuelle avec la société, on met une pression sur les parents puisque on demande aux parents de travailler, de s'occuper de leurs enfants, de gérer leur foyer. Alors c'était le cas aussi avant, mais c'est vrai que maintenant on est aussi beaucoup dans la rapidité puisque on est rappelé souvent à l'ordre par les coups de téléphone, par les mails, par les choses comme ça. Il y a une pression déjà quotidienne sur le temps qui passe et les tâches qu'on doit faire. Et je dirais aussi le fait de voir beaucoup de choses autour de la parentalité sur les réseaux sociaux, par exemple. Dans les réseaux sociaux, on transmet ce qu'on a envie de transmettre. Souvent, c'est le bon côté des choses, mais ça peut donner une vraie pression sur le fait que moi, j'accueille... je sais pas c'est quoi les émotions, je les accueille pas, mon enfant dort pas, je fais du cododo, est-ce que c'est bien, pas bien, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je fais pas de diversification, pas de la DME, ou je... Enfin voilà, on peut avoir une certaine pression effectivement de se dire je suis pas une bonne maman, je suis pas un bon papa parce que je fais pas ci ou que ça se passe pas comme ça. Et l'idée aussi des ateliers, c'est de déculpabiliser les parents en disant on fait comme on peut en fait parce qu'on a nos transmissions, on a notre vie, il y a l'environnement, on maîtrise pas tout et on fait ce qu'on peut et des fois c'est déjà pas mal. Après, ce qui peut être irritant, c'est les personnes qui vous conseillent ou qui vous font des reproches. Ah, moi, à mon temps, ça serait pas passé comme ça, etc. À toujours remettre en cause l'éducation de votre enfant. Occupez-vous de vos affaires. Oui, c'est vrai que je pense que des fois, on a besoin de déposer, effectivement, sur nos difficultés qu'on rencontre ou simplement sur notre état émotionnel aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, je me sens fatiguée parce que la nuit a été compliquée. Il y a eu plusieurs réveils. Et puis, c'est vrai qu'on s'attend à quelque chose. Alors, est-ce qu'on doit être dans l'attente ou pas? Ou est-ce qu'il faudrait juste déposer et se dire à la personne, je te dépose ce que j'ai à déposer, là, mon ressenti.

et qu'une fois qu'ils deviennent parents, ils se disent « Oh mince, j'aurais mieux fait de rien dire ». Des fois, ils se retrouvent avec des enfants qui sont assez perturbateurs. On parle de karma dans cette... Ça peut arriver, oui. Quel genre d'atelier vous proposez ? Alors, l'idée, c'est principalement des ateliers ludiques, avec une certaine pédagogie, ou du bien-être. Donc, ça va être de l'éveil musical, du yoga relaxation, les signes avec bébé pour communiquer avec son enfant autrement, du portage et du massage et réflexologie plantaire. Voilà. Donc, c'est vraiment des ateliers différents mais complémentaires. Le portage, c'est pas quelque chose avec une sorte d'écharpe pour que le bébé soit accroché à nous. Ça a l'air d'être assez complexe à mettre. En fait, on s'en fait tout un monde, mais c'est magique. Une fois qu'on sait, c'est super. Effectivement, le portage, c'est pouvoir avoir son enfant contre nous, avec un moyen de portage sécuritaire, si possible confortable et physiologique. Ce serait encore mieux, mais on fait aussi là comme on peut. Et l'idée, c'est de faire découvrir tout ce qui existe sur le marché et de trouver le bon moyen de portage adapté aux porteurs et aux portées. Mais c'est j'ai beaucoup de retours sur ça, où pour l'avoir vécu déjà moi, mais le transmettre et avoir les retours, c'est magique, parce que ça permet de retrouver ses mains tout en ayant l'enfant contre nous, donc c'est plutôt chouette. Parce que si vous le portez en classique sans le portage, à la fin vous devez avoir des fourmis dans les bras. Ouais, portage à bras. Je me souviens d'avoir eu une tendinite au bras à force de le porter au début, jusqu'à temps que je découvre le portage. Et effectivement, le portage à bras, non seulement ça peut entraîner des petits maux comme ça au niveau des bras, des épaules, du dos, c'est pas toujours confort ni pour le porteur ni pour le porté. Donc là, c'est vraiment trouver le moyen pour pouvoir se faciliter le quotidien, être en proximité avec son enfant, éviter les pleurs, les frustrations, créer du lien, pouvoir se balader dans nos super montagnes vosgiennes sans faire du rodéo avec la poussette. Donc c'est plutôt chouette. Oui, parce que quand vous êtes dans le porté classique, c'est un coup vous le portez, après vous le posez. Vous le posez dans la poussette, après il pleure, après vous le reportez. C'est ça. C'est pas évident. Là, au moins, on peut... Alors, quand on en a qu'un, c'est déjà un super outil au quotidien, mais je dirais que quand il y a une fratrie, enfin, des retours que j'en ai, puisque je n'ai pas d'autre enfant qu'un enfant unique, mais c'est de pouvoir, pouvoir aller voir les aînés, s'en occuper, être en proximité avec eux, tout en pouvant avoir le nouveau-né contre nous, pouvoir l'allaiter s'il y a allaitement, être en fratrie, rassemblés tous ensemble de manière facilitée, on va dire. Après, ça doit être plus complexe pour les personnes qui ont des jumeaux ou même des triplés pour le portage. Pour le coup, ça fait un dans le dos, un autre sur le côté. Alors, effectivement, portage jumeaux, ça se fait bien. Puisqu'on peut les mettre les deux devant ou un devant, un derrière. Et éventuellement, des triplés, pourquoi pas deux devant et un derrière. Ça peut éventuellement se tenter. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai jamais eu le cas. Celui qui est derrière, ça doit lui faire bizarre. Il se dit, mais pourquoi je suis derrière alors que les autres, ils sont devant? Roulement. Il y a un roulement dans la journée. Mais je vois rien. Alors, dans quel but est-ce que vous proposez ces ateliers aux jeunes parents? Alors, c'est vraiment dans l'idée de pouvoir passer un moment, un vrai moment, je sais pas si c'est le bon mot vrai, mais un moment avec son enfant sans être perturbé par le quotidien. Perturbé, c'est-à-dire, tiens, je suis à la maison, je vais jouer avec mon enfant, et puis, finalement, le téléphone sonne, je vais faire une lessive, je vais cuisiner. Donc là, c'est vraiment, les gens viennent, on est une heure en dehors de la maison, dans un endroit cocon, les téléphones sont posés, et on est avec son enfant. On partage un bon moment. Et là, on profite, on est dans les échanges de regards, dans le bien-être, dans le partage, dans les rires, des fois dans les pleurs. Hein. Des fois, c'est plus tumultueux. Mais c'est OK, c'est comme ça. Je veux dire, faut se dire aussi que nous, des fois, on a envie de partager les moments-là avec nos enfants, mais peut-être que des fois aussi, nos enfants ne sont pas forcément disposés à partager le moment-là avec nous pour X ou Y raison. Mais l'idée, c'est vraiment ça, pouvoir venir dans un endroit où on est accueilli comme on est. C'est pas un peu comme au McDo. Je sais pas si je peux faire de la pub. Enfin, c'est pas de la bonne pub. Hein, bref, aparté. Mais en tout cas, c'est venez comme vous êtes, on passe un bon moment, on discute ensemble, on échange et on apprend des choses que vous pouvez poser dans votre quotidien, en fait, pour... l'idée, c'est ça, hein. On vient, on apprend, et puis après, on peut refaire à la maison si on a envie. Et souvent, je reçois des petites photos après, des enfants qui refont des postures de yoga, ou des enfants qui vont faire de la musique. Enfin, c'est... Voilà, c'est trop mignon. Vous êtes auto-entrepreneuse et maman, mais quand est-ce que vous accordez finalement du temps pour vous? La grande question. Alors... J'ai un petit souci d'hyperactivité, donc non, j'arrive à me prendre du temps pour moi. Alors, je me cale régulièrement des temps bien-être, c'est-à-dire massage, je vais aller me faire les ongles, je vais aller chez le coiffeur, voilà, je me prends des petits temps de pause qui pour moi sont des temps bien-être, et je m'organise plusieurs fois dans l'année des week-ends copines ou des week-ends solo où je vais faire de la rando, voilà, où je vais profiter pour me retrouver soit seule avec moi-même, j'apprécie aussi ces temps-là, soit avec les copines, j'apprécie aussi beaucoup ces temps-là. Et voilà, quotidiennement, c'est plutôt soit à travers le sport, où je fais pas mal de sport, ou dans des temps, voilà, papouilles pour moi. J'y arrive, je le prends plus qu'avant en tout cas. Et vous occupez des jeunes parents, mais est-ce que vous occupez des personnes qui sont pas encore parents, des femmes enceintes? Alors, je peux être en contact avec les femmes enceintes, les futurs parents, notamment à travers les ateliers de portage, puisque souvent c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à se questionner par rapport à l'arrivée de l'enfant et à quels moyens je vais pouvoir utiliser pour me balader avec ou autre. Donc là, je rentre en contact avec les futurs parents et sinon, bah, je travaille avec des partenaires qui vraiment sont plutôt orientés jeunes parents où là, on a des accompagnements à la grossesse, au postpartum, etc., plus poussés, on va dire. Est-ce que vous aidez, par exemple, les femmes qui souffrent de baby blues? Alors, plus ou moins. C'est-à-dire que maintenant, il existe des associations ou des professionnels qui sont vraiment dédiés, spécialisés dans l'écoute, parce que c'est vraiment quelque chose de, pour moi, de complexe que de pouvoir accompagner ben, les mamans qui sont dans le baby blues, parce que c'est une période qui n'est pas simple et qui demande d'être bien entourée et bien encadrée. Donc moi, éventuellement, ça peut être de l'accueil en premier lieu lors d'un atelier où on échange. Et à partir de ce moment-là, si je vois qu'il y a quelque chose et que la personne se confie et a besoin, je vais pouvoir lui proposer d'aller rencontrer, par exemple, les professionnels de la PMI ou... son médecin ou lui donner les coordonnées d'une association qui permettra en tout cas de la rediriger vers les bonnes personnes. C'est pas que je ne suis pas la bonne personne, mais c'est-à-dire que je peux accueillir en premier pour après rediriger vers vraiment les professionnels compétents. Est-ce que vous proposez des ateliers personnalisés, que ça soit pour les futurs parents que pour les parents, les jeunes parents? Alors chaque mois il y a des thématiques. Alors ça va être personnalisé par exemple dans la thématique où ben, par exemple ce mois-ci j'intègre, ça va être les vacances scolaires, donc j'intègre la mère dans nos ateliers musique, yoga, donc voilà, plutôt tous les mois je vais essayer de changer de thématique. Et là où je vais personnaliser en fonction du besoin du parent, ça va être pendant le portage du ou des parents, les massages et réflexologie en fonction des maux à soulager au quotidien, que ce soit les poussées dentaires, les reflux, etc. Là, on va travailler autrement, effectivement, en fonction du besoin, ou encore les signes avec bébé. Soit on fait des cycles, soit on fait des ateliers uniques. Et si les parents recherchent plutôt une communication autour des besoins, ben on va se spécialiser là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un bébé qui a beaucoup de reflux, mis à part lui donner du Cavisco? Alors déjà, voir le pédiatre ou le médecin traitant. Et puis après, en complément, on peut effectivement, par exemple, utiliser le portage. C'est un super outil au quotidien pour avoir la position verticale, ou utiliser la réflexologie plantaire ou le massage pour venir soulager. Voilà, il y a des petites choses qu'on peut mettre au quotidien en place pour accompagner, on va dire, accompagner, soulager. Ça va pas forcément traiter, mais en tout cas ça aide, ça accompagne, oui. Est-ce que vous pensez que si la maman est stressée, le bébé il peut être aussi stressé? Alors, bonne question. Merci. Je dirais, sans culpabiliser les jeunes parents ou les parents plus âgés, avec plus d'expérience, on va dire, voilà. Qu'effectivement, je pense que les enfants sont vraiment des éponges émotionnelles. Et lorsqu'on a une tendance à être stressé, les enfants, notamment étant des miroirs, ressentent et reflètent cet état d'anxiété ou de stress qu'on peut ressentir. Alors c'est absolument pas culpabilisant, hein, je le dis pas ça comme ça pour culpabiliser les parents ou autres, puisque moi je le vois bien dans mon quotidien déjà, je vois bien quand j'ai mes phases de stress que il va être plus stressé, plus dans l'expression de ses émotions fortes. Donc là on va être dans les cris, dans les pleurs, parce que on n'est pas nous dans la capacité d'accompagner l'enfant à l'instant T, parce que on a des obligations, parce que si, parce que ça, et donc du coup des fois on est un peu anxieux. Donc effectivement moi je le ressens comme ça avec ma petite éponge émotionnelle quotidienne. Mais oui, alors après justement quand on en discute ensemble, on cherche aussi des fois pourquoi on est comme ça, qu'est-ce qui pourrait nous soulager au quotidien pour aussi nous accueillir nos propres émotions, et qu'est-ce qui existe aujourd'hui pour nous accompagner. Ça peut être des fois des autres professionnels, ou ça peut être de la lecture, ou ça peut être venir en atelier, pour se poser aussi un peu. Est-ce que vous apportez un suivi aux personnes qui participent à l'un de vos ateliers ou pas? Alors, je suis pas très bonne dans les timings. Je préviens tout de suite les clients à chaque fois. Maintenant, je le préviens. Effectivement, par exemple, au niveau du portage, je vais leur envoyer des fiches en PDF, un mail avec tout ce qu'on a vu, des vidéos, et on va être dans l'échange après où je reçois leurs propres photos ou vidéos et on se questionne pour savoir si c'est ok, si ça va, s'il faut changer quelque chose. Les massages réflexos, c'est pareil, je vais envoyer les mouvements qu'on a vus en atelier, les petites comptines qu'on a appris ensemble, C'est vrai que j'essaye à chaque fois de donner des outils vidéo ou fiche pour que les parents puissent reproduire à la maison aussi. C'est pas facile de tout retenir ce qu'on a vu, et des fois on voit quand même pas mal de choses, donc surtout ce qui est atelier, effectivement j'essaie. Est-ce que vous avez déjà eu des retours des personnes qui ont participé à l'un de vos ateliers ou pas? Oui. oui, j'en ai souvent. oui, j'ai, alors je touche du bois, pour l'instant j'ai des retours plutôt positifs. Je dirais même très positif. J'ai touché beaucoup de bois. oui, j'ai souvent des retours sur le fait que le portage c'est un super outil du quotidien. Ça les aide pour les pleurs, pour les reflux, pour être en contact avec l'enfant. Pour le yoga qu'ils reproduisent à la maison. J'ai vraiment quand même régulièrement des retours après les ateliers plutôt positifs, et ça donne trop envie de continuer. En fait, c'est trop chouette. Vous proposez du bien-être et des rituels autour de la femme. Qu'est-ce que c'est? Alors, je propose des massages, des soins pour les femmes principalement, des massages ayurvédiques. Donc un massage ayurvédique qui est le Shirochampi, qui va être un massage au niveau trapèze, nuque, crâne. Donc là, on est vraiment sur le haut du corps de la femme. Je vais proposer un massage plus poussé, accompagné de bols tibétains ou d'un voyage sonore avec d'autres instruments. Donc là, c'est vraiment pour allier une relaxation profonde. Je vais aussi proposer un rebozo, comme je le disais tout à l'heure, où là, on est deux praticiennes. Et là, c'est un vrai rituel où ça dure 2h30, voire 3h. Et on est plus que papouillé. C'est un moment hors du temps. Et je vais proposer... là, ouvert également aux hommes, soit les voyages sonores, en groupe ou en duo, ou quand on veut venir en couple, ou des fois en groupe avec plusieurs personnes, donc. Ou là, on va plutôt travailler uniquement aux instruments, donc tambour, tambour chamanique, tambour océan, j'ai plein d'instruments. Et je vais proposer le massage en peau à peau avec bébé. Donc là, pour le parent, la maman ou le papa, effectivement, on vient... avec son bébé, on s'installe en peau à peau avec, on se fait papouiller pendant que bébé est tout contre nous, où bébé peut se poser, écouter notre respiration, réguler sa température, sentir notre odeur, créer du lien avec son parent. donc c'est pouvoir se détendre dans les premières semaines de la parentalité, et ça, des fois on se l'accorde pas. Parce qu'il faut sortir, être sans bébé, c'est souvent difficile au début. Et il y en a qui ont besoin de ça, d'être avec l'enfant, de créer du lien. Et des fois aussi, avec, pour le papa, ça peut être hyper important pour trouver sa place aussi. Hein. Je sais que le portage, ça aide pas mal, mais c'est vrai que ce massage-là, ça vraiment, c'est une belle pause pour créer du lien avec l'enfant, avec le bébé. Ouais. Après, le pot à pot, c'est plus pour le papa, je crois, pour créer du lien au début, puisque la maman, elle l'a eu dans le ventre pendant 9 mois, donc le lien est déjà créé. Mais pour le papa, le pot à pot, je crois que c'est déjà un premier contact qui fait que ça crée un lien entre les deux. Oui. Bah, le pot à pot, que ce soit pour la maman ou pour le papa, c'est vraiment quelque chose de très utile dans le quotidien, puisque là, on ne fait qu'un, on est ensemble et on régule, notre état émotionnel, notre température, on retrouve les sensations in utero que l'enfant, que le nouveau-né pouvait ressentir. C'est magique parce que ils entendent et ils reconnaissent les sons du papa et de la maman, de leur voix. Donc à la naissance, il y a déjà ce quelque chose-là qui est bien présent puisqu'il va être habitué au bruit qui l'entourait pendant qu'il était encore dans le ventre de la maman. Et donc voilà, le fait de pouvoir être en peau à peau, là, ça fait un temps de pause. Et je sens que quand les papas viennent, ça fait du bien de pouvoir aussi prendre une demi-heure de papouille rien que déjà pour se détendre, parce que eux aussi ont leur quotidien. Souvent ils reprennent le travail assez tôt, c'est aussi un nouveau rythme pour eux, et trouver leur place, c'est pas toujours facile non plus. Donc là, voilà, c'est assez magique. Ça fait pas si longtemps que ça que je le propose et j'ai des bons retours sur ça. Ouais, je suis plutôt contente. Après le congé paternité, moi quand je suis venue au monde c'était 3 jours, après c'était 5 jours, après c'était une semaine, je crois, maintenant c'est 1 mois. Oui. Mais j'ai mon frère qui a eu un bébé il y a pas longtemps. Il a pas vu passer le mois, quoi. Oui. Pour certains, ça peut être long. Pour certains, ça peut être trop court. Ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a qui le scindent en plusieurs parties aussi. Mais 1 mois, ça passe vite. Le temps de rentrer de la maternité, pour ceux qui ont accouché en maternité, de se remettre dans le quotidien, de trouver sa place, de créer du lien à trois, de passer du stade de couple à famille ou fratrie, enfin famille avec fratrie, c'est des sacrées étapes dans la vie d'une personne, c'est même immense. Et moi je trouve ça chouette que ce soit aujourd'hui déjà possible de prendre 1 mois pour les papas plutôt que 15 jours, et ce serait encore plus chouette si ça pouvait être encore rallongé, on peut espérer, pour ceux qui le souhaitent en tout cas. Mais c'est vrai que ça passe vite, hein, puisque il faut réguler ce nouveau rythme des nuits, des journées, des soins à faire au bébé, etc. Et tout en s'occupant de la maison ou du foyer à côté ou des aînés, enfin c'est un sacré boulot, hein, on dirait pas comme ça, mais si, c'est un boulot à part entière d'être parent. Les mamans qui allaitent, ça renforce encore plus le lien entre la mère et le bébé, mais est-ce que le papa, il peut se sentir exclu, lui, de tout ça? Alors, j'ai pas forcément beaucoup de retours sur ça au niveau des papas, parce que ce serait intéressant de leur poser la question de savoir comment ils se sentent, eux, parce qu'on parle très souvent des mamans, souvent c'est la maman est bichonnée pendant la grossesse, et puis après, une fois qu'on a accouché, c'est le bébé, puis on oublie un petit peu la maman qui a vécu un accouchement quand même. Mais on a aussi le papa qui est là, et je vais parler de mon expérience, je dirais qu'il a trouvé sa place petit à petit, mais aussi par d'autres moyens, puisqu'il s'investissait vraiment dans les soins de bébé, par le bain, par le portage, c'est un papa porteur, par le fait de passer un moment papouille avec, d'être là, de le câliner. Donc il a petit à petit, il a trouvé sa place. Alors après, moi j'ai tiralaité, donc c'est-à-dire que j'ai pendant un bon gros mois, j'ai tiré mon lait, puisqu'il est né un petit peu tôt, donc c'était pas facile pour lui de prendre le sein. Donc on a remis en place progressivement l'allaitement étape par étape, on va dire, semaine après semaine. Donc là, il a pu quand même donner quelques biberons pendant un mois. Mais je pense que pour le papa, ça peut être intéressant de poser leurs questions, de savoir, voilà, par rapport à l'allaitement, comme on... Quand on a en allaitement à la demande, on va quand même avoir bébé régulièrement contre nous, puisque ça peut être 10, 12, 15 fois dans la journée selon les enfants. Puis il faut que la lactation se mette en place, donc c'est ça aussi, c'est du boulot. Mais ça pourrait être intéressant, c'est un sujet qu'on pourrait voir, comment trouver sa place lorsqu'on est papa et que par quel moyen. Mmh. C'est une bonne question. Je vous ai tenu un thème sans le vouloir. Vous organisez également des conférences. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus ? Oui, alors il y a pas mal de choses qui se mettent en place dans le secteur autour de la parentalité et on va avoir notamment aussi des forums autour de la parentalité, des semaines de la parentalité ou autour de la petite enfance, etc. Donc il y a des actions qui sont régulièrement toute l'année mises en place. Et l'idée, c'était de pouvoir intervenir sur des sujets que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup travaillé, que j'ai vu en formation, que j'ai pu énormément bouquiner. J'adore lire. Et je travaille donc notamment en lien avec d'autres partenaires où on va pouvoir faire des conférences à deux, par exemple. Ça va être des conférences sur les émotions. En tout cas, ça, c'est une des thématiques que j'aime beaucoup. Sur le développement de l'enfant. Et j'anime aussi des cafés parents. Donc là, on est vraiment dans l'échange avec les parents qui sont là, et notamment à travers les écrans. D'ailleurs, je vais aller animer demain un café parents sur cette thématique. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir... Conférence, on est vraiment sur une heure et demie, deux heures, où on va échanger... descendre de l'information, transmettre, voilà, aussi avec du concret sur une thématique bien spécifique. Moi, c'est plutôt les émotions, en tout cas, que je vais travailler en lien avec Agathe, qui est du cabinet Essence à Épinal. On fait pas mal cette conférence, enfin, on fait cette conférence à deux. Et puis les cafés parents, où là, on est vraiment plus dans l'échange sur des thématiques. Donc, ça peut être les écrans, le sommeil, le développement de l'enfant. Le postpartum, voilà. Là, c'est un autre format, on va dire. Depuis quand est-ce que vous proposez ça ? Alors, les cafés parents, j'ai commencé tout de suite en m'installant il y a 2 ans. J'ai un petit peu diminué. Maintenant, je le fais plutôt dans les structures qui m'accueillent. Parce qu'il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui les proposent aux parents. Donc là, moi, ça me permet d'intervenir en tant qu'intervenant extérieur. Et les conférences, depuis la fin de l'année dernière. Voilà, où là, avec les semaines de la parentalité, on a pu mettre en place cette première conférence sur les émotions avec Agathe et qu'on va redémultiplier cette année. Voilà. Comment ça s'organise un tel événement ? Alors, ça demande un peu de préparation pour elle et moi déjà, savoir ce qu'on sait dans l'échange. On va être vraiment dans l'échange, se documenter, quel document on utilise pour travailler, réaliser un support commun pour pouvoir le présenter, quelle partie on va traiter. On voit toutes les deux qu'on a chacune nos préférences, en tout cas sur cette thématique-là. Et puis après, le jour J, on va pouvoir déployer avec un support visuel pour avoir une base pour les personnes qui sont là. Et puis on est beaucoup dans l'exemple. On va donner des exemples, des cas concrets. On va faire aussi des exercices aux participants pour les mettre aussi en situation. Et on va pouvoir aussi leur présenter des références de livres notamment ou des références de conférences qu'on peut retrouver sur Internet. Voilà. C'est un peu de prépa quand même, hein. Combien de conférences est-ce que vous avez organisées jusque-là ? Alors, pour l'instant, j'en ai fait une seule sur les émotions avec Agathe. Cette année, elle va être de nouveau mise en place normalement. Et les cafés parents, c'est assez régulier. Les conférences, c'est plutôt vraiment sur des grosses actions, en fin d'année, notamment au mois d'octobre, ou il peut y avoir aussi des journées organisées. Par des associations ou parce que je travaille aussi avec les enfants porteurs de handicap, notamment avec l'éveil musical, la sonothérapie, donc les voyages sonores, Et là, ça peut être aussi demandé, par exemple, lorsqu'ils mettent des journées en place, d'intervenir sur les émotions, qui peut être aussi un sujet très intéressant. Voilà. Vous proposez également des formations. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Oui. Alors, l'année dernière, donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup transmettre. C'est un peu le leitmotiv de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est transmettre du bien-être, de la joie, du bonheur par les ateliers, par le massage. Mais c'est aussi donc transmettre mon savoir et mes connaissances et compétences à travers les conférences café par an. Et aussi par la formation pour pouvoir du coup former des professionnels, alors soit qui s'installent comme moi en indépendant, ou des professionnels de santé, paramédicales, petite enfance, qui veulent mettre ça en application dans leur quotidien pro. Donc là, aujourd'hui, je suis formatrice en signé avec bébé depuis l'année dernière. Et j'ai décidé donc pour 2023 d'essayer, puisque dans un mois, je passe mon audit pour passer l'audit de certification Calliope, pour pouvoir être référencé, on va dire, comme un centre de formation qui peut recevoir qui peut avoir des formations subventionnées ou en tout cas financées par des organismes. Donc là, il y a Signe avec bébé qui va être en visio et en présentiel dans les structures. Et puis, il y en a d'autres qui vont arriver, que je n'ai encore pas dit, mais je peux faire du petit teasing. Donc, il y en a sur 2023-2024, il va y avoir également relaxation bébé et enfant, éveil musical et sonothérapie, massage. Donc là, le massage vraiment, massage pour les adultes, massage au bol tibétain, le rebozo. Voilà. L'idée, en fait, c'est de pouvoir dupliquer ce que je réalise aujourd'hui, par d'autres personnes, pour faire en sorte que d'autres personnes puissent les appliquer dans leur quotidien, peut-être donner envie à des personnes de passer le cap, de s'installer ou de faire une reconversion dans le milieu de la parentalité et de pouvoir leur apporter les clés de mon quotidien dans une formation. Donc là, on va être plutôt sur des formations donc en présentiel, il y en aura quelques-unes, beaucoup en distanciel avec des e-learning ou de la visio, avec un accompagnement coaching, et je suis en train de développer une application mobile avec une agence de com du coin, du secteur, pour pouvoir eh bien permettre aux personnes qui sont formées de retrouver les exercices qu'on aura vus en formation sur l'application mobile. Comme ça, ils auront tout à portée de main. C'est des fois qu'on oublie pendant l'atelier quelque chose, hop, on peut aller revérifier un petit coup. Donc voilà, j'essaie de créer quelque chose de très complet, puis de pouvoir essayer de rester disponible pour ces personnes, quoi, pour pouvoir leur donner... la motivation de poursuivre sur la voie de l'accompagnement parental. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec les trois cafés gourmands et Manu Chao. On se retrouvera juste après sur le 107. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit goût de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, vue sur les monétières. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baillonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour tout.

No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Mélissa. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Mélissa, c'est quoi l'actualité des ateliers du bien-être ? Alors, en ce mois d'avril, les vacances arrivent, les vacances scolaires arrivent, et donc la première semaine des vacances, il y a encore des places de disponibles dans les ateliers que je propose à Tiefos. Il reste des places en yoga, éveil musical, massage, signe, voilà, il reste quelques places, donc ne pas hésiter à réserver. Comme je l'ai dit, les ateliers sont ouverts de la naissance à 12 ans. Et puis sinon, j'ai quelques partenariats aussi qui sont en cours, donc peut-être en avril, mais sur les prochains mois à venir, notamment avec la Tribu du Bien-être. On est une association de filles entrepreneuses, jeunes mamans, dans le milieu du bien-être et de la parentalité sur les Vosges, d'Épinal à Tiefos. On est 8 à l'heure actuelle et on travaille souvent soit en binôme ou à plusieurs sur des thématiques. Voilà, ça peut être en partenariat avec des structures qui nous demandent de venir en intervention sur des ateliers, des conférences, des choses comme ça. On travaille aussi avec le réseau de parentalité, pas mal. On répond à des appels à projets. Enfin voilà, on est assez investis, donc on met pas mal de choses en place tout ensemble. Et c'est déjà pas mal, je crois, dans les actus. En tout cas, en actus à venir, c'est vraiment les places dispo et le centre de formation qui va se développer à partir du mois de juin. Est-ce que vous avez proposé des ateliers, par exemple, pour Noël, pour Pâques, etc.? Alors, la plupart des ateliers que je réalise à la maison, maintenant, ce sont les mercredis et les vacances scolaires. Donc, en fait, en fonction du mois où les vacances tombent, eh bien, je vais proposer effectivement des thématiques. Donc là, en avril, on va être plutôt sur une relaxation ou de l'éveil musical autour de la mer, parce que c'est les vacances et que la mer me manque. Mais effectivement, sinon, j'essaye de faire autour de Pâques, Noël, etc. Et j'adore me déguiser, donc voilà, en fonction des thématiques et des moyens, on me retrouve souvent en éléphant, en licorne et autres déguisements pour amuser les enfants, et ça m'amuse aussi beaucoup. Est-ce qu'il y a un nombre de places disponibles pour participer aux ateliers ? Oui, la plupart des ateliers se limitent à 4 ou 5 duos. Donc là, pour l'instant, il suffit de me contacter pour voir s'il reste de la place. Et là, prochainement, comme je suis en train de renouveler mon site, il est tout beau, tout neuf, on pourra réserver prochainement en ligne les ateliers. Donc ça va être aussi une nouveauté dans les actus. Est-ce que c'est payant pour participer ou pas ? Oui, alors en atelier groupe, on va être à 15€ l'heure. Et en atelier individuel, on va être à 30€ l'heure. Voilà. Et par contre, dans certaines structures, comme à la médiathèque de Vanier, par exemple, là, les ateliers sont gratuits. Ça dépend des endroits où j'interviens, en fait. D'accord. Vous nous parliez tout à l'heure des partenaires, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur l'association Les Super Mamans des Vosges ? Oui, les Super Mamans. Super association que je connais déjà depuis un moment. Et là, on a Laetitia, qui est une cliente des ateliers du bien-être, très fidèle et très solaire, qui a pris la présidence des Super Mamans. Donc, c'est une association, en fait, où on vient bichonner les jeunes parents en leur apportant notamment un repas. Ça fait partie du postpartum de pouvoir compter sur un village pour nous apporter notamment le repas ou aider dans le quotidien s'il y a besoin. Et c'est une association que je trouve juste fantastique, parce que j'en parle à quasiment tous les parents, futurs parents, jeunes parents qui viennent en atelier, parce qu'on a besoin de ce village, on a besoin d'avoir un poids en moins, notamment avec les repas, parce que ça revient très souvent dans une journée. Donc ouais, c'est une très chouette asso. Si vous êtes futurs parents, jeunes parents, n'hésitez pas à contacter l'asso Super Maman Vosges. Et si vous êtes déjà parents, n'hésitez pas à vous inscrire pour aller bichonner les futurs et jeunes parents. Est-ce que vous faites partie de l'association, vous ? Oui, oui, oui, oui. J'essaye, quand je peux, quand c'est pas trop loin de la maison, d'y aller. Dès que c'est possible pour moi, en tout cas, je fais le nécessaire pour pouvoir aller à la rencontre de ces jeunes parents et passer un temps avec eux d'échange. Voilà, il n'y a pas d'obligation. on reste le temps qu'on le souhaite, le temps que la personne a besoin aussi. Et j'adore, c'est vraiment des super moments. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer avec Laetitia, qui est une maman contact de l'association Super Maman? Alors Laetitia, elle est... je la vois régulièrement en atelier. Comme je dis, c'est quelqu'un de très solaire qui s'investit beaucoup, beaucoup pour l'asso, qui organise des rencontres de parents bichonnants, qui met en place des actions pour faire connaître vraiment cette association. Enfin, elle est très, très investie. Et ben, quand on a quelqu'un qui est très investi comme ça, on a aussi, nous, envie de s'investir, quoi. C'est un élément moteur. Mm-hmm. Vous êtes hyperactifs tous les deux, donc ça va bien, ça va bien ensemble. Oui, effectivement, on a peut-être aussi, elle a peut-être aussi cette tendance d'hyperactivité. Mais quand on aime, la vie, elle est unique, précieuse, elle peut s'arrêter à tout moment, donc on a envie de profiter à fond et de faire plein de choses, en fait. Enfin, en tout cas pour moi, c'est un peu ça l'idée, faire tout ce que j'aime au quotidien et essayer en tout cas. Est-ce que vous avez des futurs projets avec les ateliers du bien-être ? Alors, déjà vraiment pouvoir développer le centre de formation à distance et en structure, si possible faire certifier Calliope, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, j'y travaille depuis plusieurs semaines, mois, activement les soirs. Quand j'ai 5 minutes. Non, vraiment, j'y travaille beaucoup, beaucoup, parce que ça demande un énorme investissement. C'est quelque chose de très rigoureux, ce certificat, cette certification. Et j'aimerais énormément pouvoir continuer à accompagner les parents, jeunes parents, les enfants, dans les structures, à la maison. Mais là, le gros projet, c'est ça, le centre de formation. Et après, j'ai d'autres projets, j'ai plein d'idées, plein d'idées, mais pour l'instant, je vais me centrer sur ça. Mais pourquoi pas un jour, peut-être écrire un livre pour enfants, c'est quelque chose qui fait son petit bonhomme de chemin. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on veut participer aux ateliers ou aux conférences ou faire une formation? Alors, on peut soit se rendre sur mon site, donc lesateliersdubien-être.com. Là, on retrouve l'actualité, donc prochainement la possibilité de réserver en ligne. Et sinon, il y a une newsletter. Donc là, il suffit de me contacter sur mon numéro de téléphone, ou par mail ou Messenger, enfin plutôt tous les canaux, moi. Dès qu'on peut, ce qu'il faut faire, c'est m'envoyer l'adresse mail, que je puisse après envoyer la newsletter qui reprend une fois par mois les ateliers groupes, les endroits où je me rends dans les structures, etc., où on retrouve toutes les infos, voilà, formation, conférence, atelier. Donc n'hésitez pas sur Messenger, SMS, mail, site web, voilà. J'essaye d'être disponible partout. Est-ce que vous êtes sur Instagram? Oui, je suis sur Instagram. Alors, beaucoup les stories d'Instagram, un petit peu moins dans le fil d'actu, parce que c'est beaucoup de boulot, la com, hein, entretenir une page Facebook et une page Instagram avec les algorithmes. Aujourd'hui, c'est un métier à part entière qui prend beaucoup, beaucoup de temps, d'où la newsletter pour essayer d'alléger un petit peu. Là, j'essaie de transformer ma communication avec un nouveau site web, avec la newsletter, pour pouvoir aussi, moi, souffler un peu au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est énergivore et c'est pas toujours facile, ouais. C'est pas facile, puisque comme vous parliez des algorithmes, il faut toujours trouver la bonne heure à laquelle il y a plus de trafic sur la page. Et des fois, c'est assez aléatoire, vous avez beau poster à la bonne heure, il y a personne qui réagit. c'est à la fois... j'ai fait des formations pour ça, on dit qu'il faut 5-6 heures par page pour l'alimenter par semaine. Et c'est vrai qu'il faut diversifier les contenus, faire beaucoup de réels. Aujourd'hui, c'est beaucoup ça qui compte, faire des contenus intéressants, à la bonne heure, comme ça, c'est ça. Être vraiment dans les bonnes choses, les bons hashtags, etc. Et c'est vraiment très énergivore. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément tous les retours escomptés avec l'implication qu'on y met, quoi. Donc... D'où la newsletter, où là, je sais que les personnes qui sont vraiment intéressées pour venir en atelier, en soins, eh bien, vont lire et vont pouvoir venir derrière, quoi. Au moins, on manque pas l'info, parce que sur les réseaux, on peut vite passer à la trappe, on fait pas partie du fil d'actu ou autre, on loupe l'info qu'il y a un atelier, une conférence ou autre, et ben, c'est dommage. Voilà. Inscrivez-vous à la newsletter. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à vous et à votre entreprise? J'aimerais une longue vie à cette entreprise. Je m'investis corps et âme depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, puisque j'ai J'ai mis 6 mois, six, sept mois, voire même plus. Presque 9 mois. Il me semble que j'avais dit 9 mois, le temps d'une grossesse classique, on va dire, pour remettre en place ce projet. Et ouais, je donne tout ce que je peux et j'ai vraiment envie que ça perdure. Alors j'espère que les gens seront toujours au rendez-vous et que moi je donnerai toujours le meilleur pour eux. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors cette émission est maintenant terminée. Mélissa, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation, ça fait super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Avec grand plaisir, quand vous voulez. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, portez-vous bien. C'était Laura. Bye tout le monde.